François Morel, c'est à vous. Chers auditeurs, cher Nicolas, cher Sandy, cher Claude, cher Connard, je viens de finir le dernier Virginie Despentes, je l'ai trouvé très bien. Ce qui m'a donné envie de le lire, c'est la critique dans Marianne. Elle était tellement dévastatrice que je me suis dit, ça doit valoir le coup. Comme tout le monde, ne me dites pas le contraire, j'ai l'esprit de contradiction. C'est comme quand on vous vend trop un film, tu vas voir, c'est formidable, chef-d'œuvre, génial. Vous voyez le film, vous dites, oui, c'est pas mal, mais enfin, par rapport aux Enfants du Paradis, c'est moins bien joué. Bon, là, c'est le contraire. La critique parlait d'une arnaque, d'un truc fabriqué, de l'escroquerie de la rentrée littéraire. Sauf que j'ai bien aimé, cher Connard, drôle, rapide, intelligent, très contemporain et dans le fond, très classique, un éloge de l'écrit, de l'amitié, de l'écoute et de la compréhension de l'autre. Je ne dis pas que c'est rédigé comme du Marcel Proust et dans le fond, c'est aussi bien puisque le style de Marcel Proust n'a jamais été aussi bien défendu qu'à l'époque de Marcel Proust par Marcel Proust lui-même. Je vous propose, Sandy, Nicolas, Claude, un quiz. Je vous lis une phrase, vous répondez Marcel si c'est du Proust, Virginie si c'est du Despentes. Vous êtes prêts ? Ouais. Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Les mamans n'embrassent pas chez Despentes. Marcel Proust. Un point pour Claude. Très bien. Attention, plus difficile. J'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Adèle Vendrette a le droit de jouer aussi, la patronne Adèle, d'un père. Oui, également, mais comme voilà. Adèle. J'évacuerai l'option Marcel Proust. D'accord, mais vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bien, en effet, c'est bien du Virginie Despentes et non pas du Marcel Proust, même si la phrase est un peu longue. J'hésite. C'est plus difficile, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut faire appel à un jockey Nicolas ? Proust. Proust, non, c'était de Virginie Despentes. Ah, ça se rapproche. Page 78 de Cher Connard. Il regarda. Despentes. Proust, Marcel Proust, c'est sa phrase la plus courte, elle est tirée de Un amour de Swann. Il existe une phrase de 856 mots dans Sodome et Gomorre qui commence par « sans honneur que précaire » que vous pouvez naturellement apprendre pour briller en société, même si personnellement je vous conseillerais plutôt d'apprendre la phrase la plus courte de Marcel Proust qui vous permettra de briller, mais sans ennuyer. Je vous la rappelle, il regarda. Je pense que j'ai fait la preuve de la culture moyenne, littéraire de l'équipe de la matinale de France Excellence, jamais démentie, du service public. Je ne vous ai pas trop parlé de Cher Connard, c'est exprès, je vous connais. Si j'en avais dit trop de bien, vous seriez déçus quand vous le lirez. Merci François Morel. France Inter.